Et nous sommes dans la même partie du chapitre 8 jusqu'au chapitre 10. Nous sommes en train d'étudier le passage où est-ce qu'on parle d'un roi compatissant, la compassion de Bob avec son écoutez pas ça que ceux qui écoutent la cassette. Et as-tu un autre pour moi? non, pas ça. OK. Bon, on revient. On est en train d'étudier un roi compatissant. Pourquoi qu'on appelle ça un roi compatissant? Parce qu'on est en train de parler du royaume de Dieu que ce roi-là est en train de bâtir. Si on n'était pas dans cet évangile-là, on aurait pu dire un serviteur compatissant. Si j'en serais en train d'enseigner Marc, c'est probablement ce que je dirais dans Marc. Marc, Jésus, on le présente comme le serviteur, et j'aurais dit un serviteur compatissant. Mais dans l'évangile de Matthieu, on est obligé de dire un roi compatissant, parce qu'il va établir un roi, un royaume. Mais qui est-ce qui va rentrer dans ce royaume-là? Et Dieu, on est obligé de présenter que ce roi-là est compatissant. Sans ça, personne ne va rentrer. Qu'est-ce que ça donne de bâtir un beau royaume? Il n'y a personne dedans. Personne dedans. Je me souviens, avant de me convertir, c'était une de mes questions que j'avais. J'avais dit une fois à un prêtre, « Si Dieu est comme vous le dites, il n'y aura personne dans le ciel, et qu'est-ce que ça donne à Dieu d'avoir bâti un ciel si personne dedans? » C'est de la façon dont vous parlez. Il n'y a personne qui va faire ce que vous dites. Pas plus vous, M. le curé. J'avais dit pas plus vous. Vous n'êtes pas plus capable de faire ce que vous nous dites de faire. Vous essayez. Vous faites comme nous autres. Vous essayez. Mais essayer, ça fait quoi, ça, dans la vie? Ça ne fait absolument rien. Si tu passes ta vie à essayer de sauter par-dessus la marche, ben, ça veut dire que tu ne l'as jamais sauté. Tu as juste essayé de sauter. Vous ne trouverez jamais ce verbe-là dans le Nouveau Testament ou dans la Bible, où ce que Dieu dirait, essayez de faire ce que je vous demande. Il ne dit jamais ça. Il dit, faites ce que je vous demande. Il ne dit jamais ça d'essayer. Et ce matin, ce roi-là, ce roi compatissant, on le voit dans le chapitre 8, 9 et 10, qu'il se promène dans le pays d'Israël et il est plein d'émotions, plein de compassion. On va voir ce matin, si on a le temps de se rendre là, il va dire que Jésus se promenait dans les villes, dans les rues, puis il était ému de compassion, parce que la foule était abattue et compatissante. Même quand les gens se sont rassemblés à un moment donné de fête, et il était assis sur un âne, il rentrait dans la ville de Jérusalem, et tout le monde chantait. Jésus était assis sur l'âne et il pleurait. Trop de bizarre, c'est bizarre de voir ça. Tout le monde chantait, « Gloire à Dieu, Hosanna, Hosanna, ça chantait, tout le monde était content. » Jésus est assis sur l'âne, puis il pleure. Ça nous en dit beaucoup, vous savez, sur Jésus. Ça nous en dit beaucoup. Vous ne comprenez pas encore qu'est-ce qui se passe, ça. Là, il dit, « Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem, si tu comprendrais, si tu comprendrais, tu broyeras avec moi. » Parce qu'il dit, « C'est pas le temps de chanter. C'est pas le temps de chanter. » Et c'est vraiment un roi compatissant qui est là devant le monde, puis il est encore comme ça aujourd'hui, Jésus. Il regarde le monde dans lequel nous vivons. C'est drôle, hein? Dans toutes les photos que j'ai vues quand j'étais jeune, j'étais vu dans une église où on avait plein d'images. J'ai jamais vu une image avec Jésus qui pleure. Jésus qui a regardé la foule, puis quand on avait vu qu'il pleurait sur une image, sur une statue, « Pauvre vous! » On ne monte pas comme ça. On ne monte pas comme ça. Mais quand Jésus regarde le monde dans lequel nous vivons, il ne voit pas des beaux arbres, il ne voit pas, oh, c'est donc beau ici, oh, cette note. Il pleure. Jésus pleure sur le monde que nous vivons dedans, nous autres. Et il voudrait que nous aussi, on aurait cette compassion pour le monde. Si on n'a pas cette forme de compassion-là, on va les laisser crever, spirituellement parlant, et on ne fera rien. J'aimerais vous lire un texte, si vous voulez bien, ce matin. Dans Romains, on va commencer par là. Ce que je vais dire est la vérité. Je ne mens pas, car j'appartiens au Christ. Ma conscience, guidée par le Saint-Esprit, témoigne que je dis vrai. Mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle. Je souhaiterais être moi-même maudit par Dieu et séparé du Christ pour le bien de mes frères, ceux de ma race. Ils sont les membres du peuple d'Israël. Dieu a fait d'eux ses enfants. Il leur a accordé sa présence glorieuse, ses alliances, la loi, le culte, les promesses. Ils sont des descendants des patriarches et le Christ, en tant qu'être humain, appartient à leur peuple, lui qui est au-dessus de tout. Dieu loué pour toujours. Amen. Qui dit ça? Paul. Comment est-ce qu'il fait pour avoir une telle compassion? C'est drôle, c'est-tu vrai qu'il pensait comme ça? Je dis, ça se peut pas, ça serait un mensonge, je dirais, Paul, il faut écrire ça. Paul, il dit, je vais me vanter un peu, là, puis ça va passer dans la Bible. Je pense pas que Dieu aurait permis ça. C'est la parole de Dieu, là, ça, c'est pas la parole de Paul. Mais comment est-ce qu'il est venu à pouvoir dire honnêtement, mon cœur est plein d'une grande tristesse et d'une douleur continuelle pour mes frères, ses amis qui étaient juifs. Il dit, je souhaiterais être moi-même maudit et perdre mon salut pour le salut de mon peuple. C'est toute une pensée, hein? Une pensée. Je ne crois pas que Paul croyait que c'était possible de faire ça. Je ne pense pas que Paul était en train de dire, Seigneur, enlève-moi mon salut, puis donne-le à 10 autres. Si tu fais ça, je l'accepte pas. On sait bien que ce n'est pas une vérité biblique. Mais il est en train d'exprimer ses sentiments ici. Il dit, je serai prêt. Si ça serait possible, si ça serait prêt, je le ferai. Comment est-ce que Paul peut venir à une telle pensée? Il y a juste une façon de faire ça. Il y a juste une façon de venir à cette forme de pensée-là. C'est de comprendre à quel point il y a eu de la compassion pour moi. Plus je vais comprendre sa compassion pour moi, plus je vais avoir de la compassion pour les gens autour de moi. C'est la même vérité de penser ça. Donc, en étudiant cette partie de la Bible qui parle de ce roi compatissant, ce n'est pas seulement que regarder Jésus qui a de la compassion, mais quand on le regarde, qu'on le comprend, qu'on le voit se promener dans les rues de Jérusalem et de faire des gestes de compassion, de dire des paroles de compassion, si on les comprend bien, ça va avoir un impact sur notre vie pour avoir plus de compassion. Parce que la compassion de Christ, nous l'avons goûtée, n'est-ce pas? Si vous ne l'avez pas goûtée, j'espère que vous allez la goûter ce matin par les paroles que Jésus va nous dire. Parce qu'on l'a goûtée, cette compassion-là. Parce que Jésus n'aurait pas eu de compassion, moi je suis convaincu que je n'aurais jamais vu à Saint-Émilion sur ma ferme qu'on m'a parlé. Ça, je n'ai jamais vu là. Il aurait dit mon espèce d'effronté de rebelle crève dans son coin. Mais il m'a envoyé quelqu'un chez nous, dans ma maison, pour me parler de ce Dieu que je rejetais, que je ne comprenais pas, que je ne savais pas qui était. Il m'a parlé avec compassion. J'ai accepté le Seigneur de ma vie. Donc on a goûté cette compassion-là de Dieu. Et c'est pour ça que maintenant, nous voulons avoir de la compassion pour les gens autour de nous. Et si vous n'avez aucune compassion pour les gens autour de vous, moi je dirais que vous n'avez peut-être pas jamais goûté la compassion de Dieu. Maintenant, on a goûté cette compassion-là, et on peut la faire grandir, la faire développer. Comment? En continuant à étudier sa compassion pour nous. Plus on va la comprendre à quel point elle est grande, cette compassion-là pour nous, plus on va en avoir pour les gens autour de nous. Puis on a vu ensemble que la compassion passe toujours à l'action. Plus j'ai de la compassion pour quelqu'un, plus je vais vouloir faire de quoi pour cette personne-là. C'est automatique. Je ne peux pas faire autrement. La compassion de Jésus se manifeste dans ces trois chapitres-là. Et la phrase centrale que j'ai fait ressortir, c'est la même chose que tout au long du livre, c'était quoi? Afin qu'il s'accomplisse ce qui avait été dit par le prophète Isaïe, il se chargera de nos infirmités, il se chargera de nos blessures, de nos iniquités, il va se charger de tout le mal qu'on a fait, de toutes les souffrances qu'on mérite, puis il va les subir à notre place. C'est par compassion qu'il fait ça, parce qu'il sait bien qu'il ne peut pas nous punir, puis en sortir. S'il nous punit, ça va être éternellement. Donc, il prend le châtiment de Dieu et il nous libère de ce châtiment-là. Et je crois personnellement que tous ces miracles qui sont faits dans le temps de Jésus et le temps des Actes des Apôtres, c'est pour démontrer que Dieu est capable de faire cela. Et que Dieu, il va dire, comme j'ai eu, on a vu la semaine passée, pour vous montrer que j'ai le pouvoir de pardonner les péchés, je vais guérir cet homme-là. Le but, ce n'est pas de guérir le bonhomme. Ce n'est pas ça le point final de guérir le bonhomme. Le bonhomme, c'est qu'on comprenne qu'il est capable de nous guérir spirituellement, pas physiquement. Parce que le bonhomme, il finit par crever pareil. Hein, il est mort pareil, le monsieur, là. Il a peut-être toffé un an, 2 ans, 10 ans, je ne sais pas combien de temps. Il a toffé un bout après. Il est mort quand même. Mais à cause qu'il a eu le pardon de ses péchés, il vit éternellement. Puis un jour, son corps va être ressuscité, puis il va vivre éternellement dans son corps ressuscité. C'est ça, quand tu as l'air de chanter, tu fais des prodiges. Puis quand on chantait ça, je me suis dit, je suis un prodige. Le plus grand prodige, c'est quoi? C'est nous! C'est pas le gars qui se lève de sa tombe qui est le plus grand prodige. C'est nous le plus grand prodige. Nous sommes le prodige de Dieu. Le salut de Dieu, c'est nous. On a joui ça maintenant. Dieu dit, regardez ma femme, l'Église. Regardez-la comme elle est belle. Regardez-la. C'est ma couronne. Paul dit ça, vous êtes ma couronne. Puis il dit à l'Église, vous êtes la couronne de Jésus-Christ. Donc, la couronne, quand on regarde quelqu'un qui a une couronne, on la manque-tu? On n'en manque pas, on la voit. Hein? La couronne, on ne la met pas dans notre poche. On la met où? Sur la tête! Et tout le monde la voit. Et Jésus dit que l'Église, il la met sur sa tête, c'est sa couronne. Il n'y a pas plus beau, il n'y a pas plus grand prodige que l'Église. Les gens disent des fois, « Ah, si les gens feraient des miracles, ils croiraient. » Regarde-moi. Regarde-moi. Je suis un miracle. Les gens sont pas habitués. C'est parce qu'ils ne comprennent pas bien. S'ils comprendraient. Mais je n'ai pas le pouvoir d'ouvrir les yeux. Je n'ai pas ce pouvoir-là. J'avais d'autres pouvoirs. Mais j'ai foi. J'ai foi que quand je leur dis des choses de même, que l'Esprit de Dieu va ouvrir leur cœur, qu'ils vont voir, qu'ils vont goûter que le vrai miracle, c'est le changement du cœur et non pas le changement du corps. Donc, on a vu ensemble que Jésus avait ces buts-là d'amener les gens à la foi, de faire grandir la foi et de leur prouver qu'il était le Messie qui avait été promis par Isaïe. Je suis ce Messie-là. Regardez. On va en parler plus quand on va étudier chapitre 11, où ce qu'il va dire ça à Jean-Baptiste. On va le voir ensemble, qu'est-ce qu'il va lui dire. Donc, si vous voulez prouver que Jésus-Christ est vraiment Dieu ou le Messie qui devait venir, vous devez faire retourner dans la Bible et montrer tous les miracles qu'il a faits. Tout ce qu'il a pu produire pendant sa vie. Et c'est ainsi qu'on va démontrer que Jésus était le Messie qui devait venir. On voit que sa compassion le pousse à faire des guérisons. On l'a vu que ça l'a poussé à faire des miracles. Guérison physique, miracle, on a vu comme arrêter le vent, arrêter les vagues. On a vu que c'était des miracles. Il a fait ça aussi par compassion. Il a chassé des démons par compassion. Et la semaine passée, on a vu qu'il avait pardonné les péchés par compassion. Okay? Pardonner les péchés. Donc, c'est sa compassion qui le pousse à faire ça. C'est pas d'autre chose que ça. Et ce matin, on est rendu au verset 9, du chapitre 9. C'est là que nous sommes rendus. Et nous allons voir une autre vérité et que Dieu va faire par compassion. De là, après avoir fait la guérison de l'infirme dans la maison, de là, étant allé plus loin, Jésus vit un homme assis au milieu des péages. Il s'appelait Matthieu. C'est quoi les péages? N'as-tu qu'un d'autres traductions? C'est un genre de taxe. C'est une place qu'on paye, péage, hein? Des postes de péage sur les autoroutes, qu'est-ce qu'on fait? On mettait notre 30 sous pour passer un poste de péage. Souvenez-vous qu'Israël, c'est un petit pays, 60 000 ou 80 km, mettons, 90 km de large, 150-200 km de long, situé entre des grandes puissances monétaires, toute l'Asie, toute l'Égypte, tout le monde qui voulait descendre, faire descendre avec des caravanes pour faire des échanges de marchandises, s'ils ne voulaient pas prendre la mer, ils devaient passer par Israël et ils payaient pour passer. Les caravanes payaient. Ils étaient assis au péage, puis ils payaient une taxe pour descendre en Égypte, mettons, pour aller vendre le produit en Égypte. Ils payaient des taxes. Matthieu était un publicain ou un péagiste, des fois qu'on va dire. Il était assis là, puis il collectait les taxes. Et souvent, à cause que dans sa situation qui était, ça coûtait 2 piastres pour passer, il cherchait 2 piastres et quart, 2 piastres et demi, puis il en mettait 50 dans ses poches. C'est ça qu'on ne les aimait pas, les publicains, dans ce sens-là. Il lui dit, suis-moi. Cet homme se leva et le suivit. Comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et de gens de mauvaise vie vinrent et se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et dirent à ses disciples, « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les gens de mauvaise vie? » Jésus, les ayant entendus, leur dit, « Ce ne sont pas ceux qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades. Allez et apprenez ce que signifie « Je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Jésus prend plaisir à la miséricorde ou à la compassion. Je crois que le mot ici a proche le même sens. Et cette compassion-là se manifeste par le fait qu'il se tient avec des gens malades. Il se tient avec des gens... C'est lui-même qui emploie l'exemple à la fin. Il ne sait pas les gens qui se portent bien, qui ont besoin de médecins, mais les malades, vous n'allez pas voir votre médecin pour le fun. « Oh, je m'ennuie, je vais aller faire un tour voir mon médecin. Je vais attendre dans la salle d'attente. J'aime ça. C'est un plaisir dans la vie de faire ça. » Ah non! Ah ouais? En tout cas, on ne va pas parler de ceux-là. On parle de la classe moyenne, des gens ordinaires. On y va quand on est pogné, hein? Des fois, le médecin, il va dire, « Pourquoi t'as attendu si longtemps? T'aurais-tu venu plus vite? » Il nous encourage à aller voir nos médecins pas trop tard. Vous faites des examens, attendez pas trop long. Mais c'est les gens malades qui vont voir les médecins. Quel genre de vie avait Matthieu? Quel genre de vie avait Matthieu, humainement parlant? C'est un voleur. Zachée, on a un petit exemple avec Zachée. Comment les gens percevaient Zachée? Ils ne voulaient pas parler avec, ils ne voulaient pas le fréquenter, ils ne voulaient pas rentrer dans sa maison. Matthieu était de la même façon aussi. Qu'est-ce que les pharisiens disent ici? Pourquoi est-ce que ton maître se tient avec des gens comme ça? Se tient avec des gens comme Matthieu? Pourquoi il se tient avec des gens de mauvaise vie? Pourquoi il a compassion d'eux? Il a compassion d'eux. C'est des gens qui... C'est des gens qui ont besoin, même s'ils ne s'en rendent pas compte. Les gens vers qui on va pour amener l'Évangile ne savent pas qu'ils sont aveugles, ne savent pas qu'ils sont sourds, ne savent pas qu'ils sont muets, spirituellement parlant. Ils ne savent pas qu'ils sont morts, spirituellement parlant. Ils ne savent pas ces choses-là. Ils sont comme les pharisiens, ils ne savent pas. Et à cause qu'ils ne savent pas, qu'ils sont malades, ils ne cherchent pas le médecin. Mais il faut rendre gloire à Dieu que le médecin cherche les malades. Le médecin cherche les malades. Et la question qu'on peut se poser ce matin, c'est pourquoi est-ce que Matthieu a répondu quand Jésus a dit, « Matthieu, viens et suis-moi. Viens avec moi. » Pensez-vous que Matthieu savait c'était qui Jésus? Ben oui. Il était assis au poste des commères de la ville. Tout ce qui se passait, il savait, mais... Tout le monde se promenait, là. Tout le monde savait ce qui se passait. Même Zachée savait de ce qui se passait. J'ai même entendu quelqu'un qui dit, on ne sait jamais, peut-être que Zachée et Matthieu se connaissaient, c'est peut-être pour ça que Zachée cherchait Jésus, peut-être que Matthieu y avait dit. Possible, hein? Il ne devait pas être des milliers là, qui étaient des publicains. Peut-être qu'ils se connaissaient tous, la gang. Peut-être que Zachée avait entendu parler de son chum Matthieu qui s'était converti, qui suivait Jésus maintenant. Il aurait dit, mais pourquoi est-ce que Matthieu a rejeté le jackpot? Tu sais, c'était payé, ça, c'était le jackpot là, d'être républicain. Pourquoi est-ce que l'on sait sa job payante? Pour aller vers ce Jésus-là. Moi, ça, je ne suis pas surpris que ça soit vrai. Pas marqué dans la Bible. Hein. Une fois, quand j'étais professeur à l'école publique, quand j'ai donné ma démission pour quitter, je m'emmenais ici à Mont-Tremblant. La secrétaire a dit... François a dit, tu t'en vas où, là? Là, je lui ai dit, expliquer qu'est-ce que je m'emmenais faire, m'amener dans Mont-Tremblant pour commencer l'église baptiste, puis en tout cas, j'ai expliqué tout ça. Elle a dit, ça doit être payé en bébé, ça, avec les salaires que tu fais. À comparer avec les salaires que je faisais à l'école publique, à ce qui était pour... Elle a dit, t'es pas assez cave pour aller faire un job moins payant. Elle a dit, juste les fous qui sont comme ça, tu sais, là. Elle pouvait pas comprendre que je pouvais abandonner une job plus payante pour en faire une moins payante. Vois-tu dans sa tête, elle ne comprenait pas. Je comprends qu'elle ne comprenait pas. Elle ne peut pas saisir les vérités bibliques. Elle ne peut pas saisir les vérités bibliques. Quand on est appelé par Dieu et qu'on a goûté la compassion de Dieu, on peut faire des choix stupides comme ça. On peut faire des choix stupides comme ça. Lâcher une job qui est deux fois plus payante qu'un autre pour aller faire d'autres choses pour le Seigneur. On peut faire ça. Parce qu'on a goûté la compassion de Dieu. Et on veut faire autre chose que travailler pour de l'argent. Et Matthieu, ici, je ne crois pas que c'est tout ce qui s'en vient dans sa vie, mais il appelle. Et pour lui, là, ça a dû être un acte comme Zachée. Je crois que Matthieu, pour Zachée, ça ressemble beaucoup. Que le grand rabbin, la vedette du moment en Israël, c'était, Jésus était la vedette du moment. Tout le monde parlait de lui. Tout le monde en Israël parlait de lui. Tout le monde le connaissait, parce qu'il avait fait des choses qui dépassaient l'entendement. Et lui, personne lui parle, les pharisiens ne veulent pas l'approcher, mais Jésus l'approche et dit, « Zachée, j'aimerais ça que tu viennes avec moi. Je sais que tu deviens mon disciple, et que tu viennes vivre avec moi. » Parce que quand on appelait quelqu'un à devenir un disciple, on l'appelait à aller vivre avec lui. Ce n'est pas juste le suivre sur la rue, avec Jésus le soir. Les disciples ont suivi Jésus pendant 3 ans après. Jésus dit, je t'appelle à venir vivre avec moi. Et que Dieu ait touché dans son cœur, cet homme-là, que le grand rabbin Jésus veut vivre avec lui pendant ça va pas se durer 3 ans, mais pendant toute cette période-là de sa vie. Et ça a dû le toucher énormément. Énormément. Lui le rejeté, lui le criminel, lui le bandit, lui le voleur, le Jésus qui fait des grands miracles dans le monde, il l'appelle à devenir son disciple. Il appelle à devenir son disciple. Et il va lui... Matthieu est tellement touché par cette compassion-là que Jésus veut l'avoir avec lui. Il l'invite à souper, mais en même temps, il invite tous ces gens qui étaient des gens de mauvaise vie. Des gens de mauvaise vie. On ne sait pas si c'était juste des publicains, mais ça pourrait bien être d'autres publicains. Puis ou des prostituées, ou d'autres gangs de même, la gang que les bonnes personnes ne s'approchent pas de ces gens-là. On les touche pas, on les côtoie pas. Mais quoi, c'est du mauvais monde, ça, attention, ils vont vous corrompre. Mes parents, ils m'ont élevé comme ça. Les mauvaises compagnies, ça corrompt les bonnes mœurs. C'est un verset de la Bible, ça, hein? Mes parents m'ont dit ça, là. Jusqu'à temps que je cherche lui. Les mauvaises compagnies qui auront les bonnes mœurs. Si j'avais été chrétien, j'aurais dit, maman, vous faites tu t'en as? Elle a voulu que je dise ça à ma mère. Non, je ne comprenais pas dans le temps. Je comprenais ce qu'elle voulait dire. Tiens-toi pas avec les drogués, avec les poteux sur le bord, là. Va pas là, tiens-toi pas avec ce monde-là. Puis là, il y avait des gangs de biscagas, elle ne voulait donc pas prendre des gangs de biscagas, puis va pas être. C'est mon méchant, ça. Ma mère ne comprenait pas, elle était comme les pharisiens. Elle était comme moi. En plus, je ne comprenais pas plus dans ce temps-là. Je ne comprenais juste pas pourquoi elle ne voulait pas que j'aille voir ce monde-là. Moi, il me semblait que j'aurais du fun avec ce monde-là. Et Jésus offre à Matthieu et toute sa gang que là une nouvelle vie. Je suis ici pour les guérir. Et quand tu guéris un malade, tu lui donnes une nouvelle vie. Et je prends les pires traîtres de la ville. Je vais en faire de mes disciples et ils vont aller parler de ma compassion. Ils ne pas faire autrement. Ils n'auront pas parlé de leurs œuvres. Ils n'auront pas parlé de leur bâtisse. Ils n'auront pas parlé de leur église. Ils vont leur parler de moi. Ils n'ont rien d'autre à parler. De quoi tu veux qu'ils parlent? Ils ne vont pas, certainement pas parler de leur vie de voleur. Cette vie-là, ils vont en avoir honte. Puis là, ils vont parler de moi maintenant. C'est ça qu'il a fait. Là, Matthieu a parlé de Jésus après. Quand on goûte la compassion, on veut parler de la compassion. Parler de la compassion de Jésus. Hier, je célébrais un mariage, puis il y avait deux personnes qui étaient là, deux chrétiens que j'ai rencontrés, qui ont dit que dans leur église, on les écrasait par des règles, par des lois, on les écrasait. Que vous êtes pas assez bon, que vous faites pas assez de choses dans les chrétiens, que vous êtes pas assez performant, on les écrasait. Ça m'a rappelé un temps de ma vie en tant qu'enseignant que je faisais ça aussi. Facile d'écraser les gens, vous savez. Facile. Je pourrais prêcher ce matin, vous pourrez tout passer de suite à quelqu'un avec les deux pattes, comme on dit. Et vous dites, on n'est pas des bons chrétiens. On n'a pas fait assez. On n'a pas assez donné d'argent. On n'a pas évangélisé dans l'église cette semaine. On a fait des péchés encore. Puis là, on peut s'en aller, on est chez nous comme ça. C'est ça qu'elle nous dit, c'est le geste qu'elle a fait. Elle dit, on s'en va chez nous comme ça. Jésus a dit, sortez de là. Jésus n'est pas venu nous écraser, il est venu nous donner une nouvelle vie, nous sauver, nous libérer. Il est venu nous libérer. Il n'est pas venu nous écraser. Et Jésus ici, il a tellement de compassion, il dit, je vais prendre ta vie de chien, je peux utiliser cette expression, je vais prendre cette vie-là, je vais en subir les conséquences, parce qu'il ne peut pas la faire disparaître, la vie. Il ne peut pas la faire disparaître, la vie de Matthieu. Il faut qu'il apprenne, lui. Il s'est chargé de la vie de Matthieu. De tous ces méfaits qu'il va faire. Parce qu'après avoir été sauvé, il prendra peut-être plus des cinquantaines. Mais il va continuer à pécher pareil. Puis il prend cette vie-là de Matthieu, cette vie pourrie-là de pécheur, puis il dit, je vais la subir, puis je vais t'en donner une nouvelle vie. Une vie parfaite. On appelle ça la vie éternelle. Il y a tellement de compassion qu'il va se charger de cette écœurante de vie que Matthieu va vivre. Il va le libérer de cette vie-là pour lui en donner une nouvelle. Il y avait un jeune chrétien qui m'avait dit un jour, parce que j'étais encore plus jeune que lui, tout le mal que tu fais, François, c'est toi qui le fais. Tout le bien que tu vas faire, c'est Jésus qui va le faire. C'est donc vrai, hein? Tout le mal que vous faites pendant votre vie chrétienne, c'est vous qui le faites. Et tout le bien que vous faites, vous êtes obligé de donner la gloire au Seigneur Jésus-Christ. C'est lui qui le fait. Verset 14. Donc, il y a de la compassion. Puis cette compassion-là dit, donne-moi ta vie, puis je vais t'en donner une nouvelle. Donne-moi ta vie de pécheur, cette vie-là que tu es malheureux dedans, cette vie-là qui te stresse, cette vie-là qui t'angoisse, cette vie-là qui t'amène du malheur, donne-moi-la, je vais la prendre sur moi, puis je vais t'en donner une nouvelle. Et tu vas pouvoir avoir une vie de joie. Pas parfaite, la joie. Pas parce que la vie que nous avons faite n'est pas parfaite. C'est parce qu'on est encore dans un virement. Le changement n'est pas complet encore. On vire, mais on n'est pas encore viré complètement à 360. Quand on va être ressuscité, là, ça va être parfait. Là, ça va être terminé. Mais on attend la résurrection. Pas encore arrivé. Pas encore arrivé. Verset 14 à 17. Et là, pour le comprendre, il va falloir rester dans le contexte. Hein? Parce que là, on se demande pourquoi ça sort là, ça, cette histoire-là. Mais, lisons-le. Alors, les disciples de Jean vinrent auprès de Jésus. Un autre gang qui arrive. Tout à l'heure, c'était les pharisiens. C'était les publicains. Là, un autre groupe, un groupe religieux. Les disciples de Jean, c'est des bons gars. Hein? C'est des gens qui sont allés suivre Jean-Baptiste, le prophète, puis ils ont suivi Jean. Jean leur a enseigné à prier, et puis ils ont garder, Jean, tout à l'heure, ils vont venir, parce que Jésus est là, puis ils ne suivent pas Jésus, ce qu'il y a eu encore. Les disciples vinrent auprès de Jésus, donc, ils ne sont pas avec lui. Eux autres sont des disciples de Jean, donc ils sont avec Jean, ils suivent Jean. Et Jean est en prison, dans pas long. En tout cas, au chapitre 11, il va être en prison. Donc, ils dirent, pourquoi nous, les pharisiens, jeûnons-nous, tandis que tes disciples ne jeûnent point? En tout cas, il avait remarqué ça, je ne sais pas comment. Ils ont remarqué que les disciples de Jésus ne jeûnaient pas. Peut-être parce qu'ils ne se déguisaient pas. Tu sais, Jésus ne met pas du chaud dans ta blanc dans ta face, puis pas un je jeûne. Je suis triste. Non, je ne sais pas comment ils ont vu ça. Ils ont vu ça de façon quelconque, en suivant Jésus, en voyant Jésus, par le blablabla. Vous savez, ça va vite, ça, blablabla. Il n'y avait pas les, il y avait le système Internet dans cela, ça existait le web dans cela, ça savez. Blablabla, blablabla, blablabla. Il y en a qui disent ça. Tout ça, c'est dans sa planète aujourd'hui, mais dans ce temps-là aussi. Ah, blablabla, blablabla. Bla, bla, bla. Ça s'est fait, mon gars, ça allait vite, ça s'en va vite, ça, c'est épouvantable. Jésus leur répondit, « Les amis de l'époux peuvent-ils s'affliger pendant que l'époux est avec eux? Les jours viendront où l'époux sera enlevé, alors ils jeûneront. Personne ne met une pièce de drap neuf à un vieil habit, car elle emporterait une partie de l'habit, et la déchirure serait pire. On ne met pas non plus du vin nouveau dans de vieilles outres, autrement les outres se rompent, le vin se répand, les outres sont perdus. Mais on met le vin nouveau dans des outres neuves, et le vin et les outres se conservent. » Donc ici, il est facile de comprendre que Jésus est en train de donner un enseignement qui compare quoi? Le vieux et le nouveau. Vieilles outres, nouvelles outres, vieux vin, nouveau vin, vieil habit, nouvel habit. Faut comprendre qu'il parle du vieux et du neuf. Ça, c'est pas dur à comprendre. Mais c'est quoi la question des disciples? Pourquoi est-ce que ta gang et toi, ils n'ont pas dit toi, ils ont dit ta gang, pourquoi vous ne jeûnez pas, vous autres? Nous, on jeûne. Combien de fois par semaine? Deux fois par semaine. Il était vraiment spirituel. Deux fois par semaine, ils jeûnaient. C'est une pharisie, on va voir. Ah, oh, Seigneur, tu es chanceux de m'avoir, je jeûne deux fois par jour, deux fois par semaine, je prie. Tu es donc heureux de m'avoir comme disciple, hein? C'est ça qu'il pensait, c'est ça qu'il disait, sans le dire. Vous riez, hein, mais c'est sérieux, moi. Il se vantait. Il se vantait. Les vantards. On avait un devant vous autres. Mon ami. Il dit, non, pourquoi est-ce que vous ne jeûnez pas? Jésus leur dit, il les amène aux noces. Ils achètent aux noces. Ben, je n'ai pas participé au repas, je n'étais pas invité pour le repas. J'étais invité pour les mariés, point. Mais pendant le temps que j'étais avec eux autres, j'étais avec eux autres de 2h30, 5h, à peu près 3h, mettons 3h, avec eux autres. Mais pendant toutes ces 3h-là que j'étais là, j'ai pas vu personne pleurer. J'ai pas vu personne avoir la tête. C'est pas drôle, mais je suis ici. Ah, ils m'ont invité, mais je n'avais pas envie de venir, mais je suis venu. Non, je n'ai pas vu personne. J'ai vu une gang de monde, près d'une centaine de personnes, adultes, un peu d'enfants, et tout le monde était bonheur. Tout le monde riait, ça chantait, ça se parlait, puis c'était des retrouvailles, puis la plus barre, hein, tout le monde se voyait, c'était longtemps que c'était pas vu. Et c'était du bonheur pendant les trois heures que j'étais avec eux autres. C'était pas moi la cause, là. C'était le mariage. Puis là, il parle de ça ici. Il dit, comment est-ce que vous voulez être triste quand les amis de l'époux peuvent-ils être tristes quand l'époux est avec eux autres? Quand la mariée est là, puis que le marié est là, c'est pas le temps d'être triste. C'est le temps d'être heureux. Heureux. S'il y avait arrivé quelqu'un là, puis qu'elle a pleuré devant les mariés seraient posés la grosse question, mais qu'est-ce que tu fais ici? On t'a invité à partager notre bonheur, mais toi tu t'en viens ici en pleurant. Tu aurais dû rester chez vous si tu es triste. Tu n'en veux pas d'être triste, mais tu n'as pas la bonne place. On aurait dû aller au service funéraire, l'autre part. Et Jésus leur dit, l'époux est ici. C'est qui l'époux? On sait bien de qui il parle. De qui il parle? C'est lui. Je suis ici. Le Messie est arrivé. Le royaume est en train de s'installer. C'est pas le temps d'être triste, c'est le temps d'être joyeux, d'être se réjouir. Si plus tard, l'époux va être enlevé, ils vont pleurer, ils vont jeûner. Mais maintenant, l'époux est là. C'est temps de faire la fête. Si Israël avait compris ce que nous, on comprend, puis qu'il aurait vu le Messie arriver, puis qu'il aurait cru que c'était le Messie, il aurait dû sortir des tambours, sortir des cymbales et faire la fête. Enfin, la délivrance est arrivée. Enfin, on est dans la joie. Jésus, le Messie, est arrivé. C'est ça qu'est-ce que les anges ont fait quand Jésus est né? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont chanté tout de suite, les anges. Le Messie est arrivé. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les bergers? Ils sont allés à la crèche en disant, Jésus, non, le Messie est arrivé. Oh, on va pleurer. Mais non! Les anges ont fait quoi? Réjouissez-vous! Chantez! Faites de quoi d'heureux! Le Messie arrive! Il dit, tant que le Messie est là avec vous autres, l'époux est là avec vous autres, ce n'est pas le temps de jeûner. Jeûner égale tristesse. Jeûne, triste. Triste, jeûne. C'est un équivalent, c'est dans le texte. Si t'es triste, tu jeûnes. Si tu jeûnes, c'est parce que t'es triste. Donc, il dit, mes disciples ne jeûneront pas tant qu'ils vont être avec eux. Je vais les empêcher de jeûner. Ils m'ont fait tellement de miracles, ils m'ont fait tellement du bien, ils m'ont tellement de prêcher des belles choses qu'ils vont toujours être heureux avec moi. L'époux est-tu encore là aujourd'hui avec nous autres temps? Est-ce qu'il est là, Jésus, avec nous autres? Il est avec nous autres dans notre cœur. Est-ce que c'est le temps de jeûner pour nous? Pas le temps de jeûner pour moi. Si vous jeûnez, je vais aller vous voir. Je dis, qu'est-ce qui te rend triste? Pourquoi est-ce que tu es triste? Quelle tristesse est-ce que tu as que Jésus n'est pas capable de te réjouir avec? Moi, ça, il n'y a pas de vérité biblique, il n'y a pas de principe, il n'y a pas de promesse qui peut te réjouir. Si j'apprendrais que vous jeûnez, j'irai vous voir, j'essaierai de vous réjouir pour que vous ayez été jeûné. Parce que le Messie amène la joie. Jésus dit, tu sais promener la joie, pas la tristesse. Je sais promener la tristesse, moi. Je sais promener la joie. Et dans le ciel, pensez-vous que dans le ciel, ils jeûnent? Mais non! Voyez-vous ça dans le ciel, une gang de gars qui sont là, des hommes, ils jeûnent. Mais non, ils sont dans la présence de Dieu, ils sont avec Jésus. Ils sont avec Dieu. Ils sont dans la joie. Moi, je lis l'Apocalypse, tout ce que je vois dans le ciel, c'est quoi? La joie. Ça chante, ça crie, ça tient le courant auprès du pied de Jésus, de Dieu. Ils sont dans la joie. C'est normal, ils sont dans la présence de Dieu. Dans la présence de Dieu, qu'est-ce qu'on dit? Dans le ciel, il n'y a plus de pleurs, plus de tristesse, plus de mort. Les gens sont dans la joie. Les chrétiens devraient vivre continuellement dans la joie. Quand on est triste, c'est parce qu'on est affligé par quelque chose. Je crois qu'il y a des tristesses humaines, normales, mais pas des tristesses qui devraient nous envahir spirituellement. Parce que nous, spirituellement, par les promesses que Dieu nous a données, nous devrions être capables de faire face à ça. Faire face à ça. Vous savez, Jésus, en tout cas ce qu'on voit, Jésus n'était pas impressionné par les gens qui jeûnaient. Il leur a dit, c'est pas le temps de jeûner. C'est pas le temps de jeûner, c'est le temps de vous réjouir, le Messie est arrivé. Donc Jésus a tellement de compassion, il voit ce monde triste, il voit ce... Vous remarquerez, dans beaucoup de mouvements religieux, pas méchant ce que je veux dire, hein, mais ils font exprès pour se rendre tristes. Parce qu'ils pensent qu'ils vont influencer Dieu par leur tristesse. Ils se flagellent. Avez-vous vu faire ça? Vous faites ça à la télévision une fois? Les gens se flagellent. Ils pensent qu'ils vont gagner un petit peu, avancer un peu plus proche de Dieu, que Dieu va les écouter mieux. Moi, j'ai été élevé dans une famille où on nous privait de manger le vendredi, ou le carême, parce qu'on voulait être triste. On voulait se priver d'être triste parce que on était triste. On ne comprenait pas pourquoi, mais on ne mangeait pas. Maman nous donnait des affaires qu'on n'aimait pas, ces formes-là. On n'aimait pas ça, jeûner, ça. Mais on jeûne. C'est jeûner. Jeûner. C'est carême. On ne mange pas de gâteau, on ne mange pas de ci, on ne mange pas de ça, on ne mange pas de bonbons. Hey, avez-vous déjà vu un enfant, des enfants avoir tellement de problèmes? Qu'est-ce que ça a le rapport avec Dieu, cette histoire-là? Tu sais, quel rapport est-ce qu'il y a avec mon Dieu que je ne mange pas le bonbon qu'il y a là? On ne comprend pas ce qui se passe. Mes parents ne comprenaient pas plus. Ils le faisaient parce qu'ils avaient été enseignés comme ça. Puis ils croyaient que s'ils souffraient, ça les approchait de Dieu. Les pharisiens pensent la même chose aussi. On va jeûner pour s'approcher de Dieu. J'ai entendu quelqu'un cette semaine prêcher là-dessus sur Internet. J'ai écouté un sermon. Prêcher, jeûner pour s'approcher de Dieu. J'ai dit, comment est-ce qu'on peut penser ça? Je ne peux pas être plus proche de Dieu que je suis proche maintenant. Dieu est en moi, il vit en moi, je suis son enfant, c'est mon père, je ne peux pas être plus proche que maintenant. Il vit en moi. Faut-tu être plus proche que ça? Même Paul, il va plus loin que ça, il dit, ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Peux-tu être plus proche que ça? Ceux qui croient qu'ils peuvent se rapprocher de Dieu par le jeûne ont une difficulté à comprendre qu'est-ce que le pardon a accompli dans notre vie. Ils ont de la misère à comprendre que Dieu nous a purifiés et nous a amenés à la perfection, selon Hébreux chapitre 10, il nous a amenés à la perfection une fois pour toujours, pour toujours, pour toujours. Jésus dit, le jeûne, c'est de la tristesse. Et quand vous êtes avec moi, j'aimerais que vous souriez, s'il vous plaît. J'emmène la joie, moi. Avec mes promesses, j'emmène la joie. Donc, c'est une grande vérité ce matin que Jésus, dans sa compassion, change les vies tristes. Les vies qui sont accablées. Je suis convaincu, si Jésus serait venu au mariage avec moi, malgré tout le beau plaisir extérieur qui était là, Jésus aurait dit, je vois une foule abattue, déprimée, sans berger, pour les conduire. Priez le maître de la moisson d'envoyer les ouvriers pour qu'ils puissent leur parler de moi, afin qu'ils puissent devenir des gens heureux dans la foi. Parce que nous, des fois, on se laisse leurrer par le fait qu'il y a du monde autour de nous qui ont l'air d'avoir plus de plaisir que nous. Mais ce n'est pas la réalité. Parce que là, on ne voit pas avec les yeux de Jésus. Là. Quand Jésus regarde, il y a juste ses lunettes. Oh, le monde est triste ici. Ils sont malades, ils sont abattus, ils sont tristes. Que le Seigneur puisse nous donner la grâce cette semaine en s'en allant chez nous. Vos voisins, vos amis, vos parents, peut-être dans votre propre maison, vos enfants, votre mère, votre père. Que Dieu nous donne la grâce de comprendre que s'ils n'ont pas Jésus dans leur vie, ils sont malheureux. Et ils sont malades, peu importe ce qu'ils disent. Peu importe la grosseur de la maison, peu importe la grosseur du char, peu importe ce qu'ils sont allés en vacances cet hiver, peu importe, non, ça n'a pas d'importance. La réalité, ce que Jésus voit, il voit la mort. Et Jésus veut exprimer de la compassion à ces gens-là, mais à travers vous et moi. Vous êtes ses mains, vous êtes ses yeux, vous êtes son corps maintenant, et il veut aller atteindre ces gens-là et leur dire qu'il a compassion et qu'il veut leur donner une nouvelle vie, et qu'il veut leur donner la joie. Il veut leur donner la joie. Il n'y a pas plus grand-chose qu'on entend un peu partout dans les médias. Les gens veulent être heureux. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour être heureux et joyeux. Il y a une chose qui, ça me dit quoi? Ils ne réussissent pas parce qu'ils sont toujours en train de vouloir la trouver. S'ils avaient trouvé le bonheur, ils arrêtaient de le chercher. Combien de fois on change de gens? On change de personnes parce qu'on... On change de situation, on change de place parce qu'on pense qu'on va être plus heureux à l'autre place, avec l'autre personne, avec l'autre job ou l'autre si. C'est pas mal de changer, pas pour être heureux. Le bonheur vient de Dieu, l'œuvre de Dieu. Le restant ne va jamais vous emmener heureux au bonheur. Si vous n'êtes pas heureux, je parlais avec mon garçon fréquentait une fille que ses parents sont très riches, son père est multimillionnaire. Et il dit, j'ai appris une chose en 6 ans avec elle, à sa blonde. Il dit que l'argent ne fait pas le bonheur. J'ai appris ça. J'ai jamais vu une famille autant chicanée, autant salée. Quand c'est pas salée, ça s'est gagné. Parce que l'argent, il ne sait pas, ça ne fait pas le bonheur. Mais si t'appuies ça, mon gars, t'es sage en Bible. T'es sage, t'appuies ça. L'argent, ça fait pas le bonheur. Mais dans notre cœur, dans notre chair, le monde entier nous dit que oui. Et on a tendance à vouloir le croire, des fois. Mais ne nous laissons pas leurrer. Les gens heureux. J'avais lu un livre un jour, quand j'étais, j'avais à peu près une vingtaine d'années, parce que j'étais un fou de l'argent. J'aimais l'argent à planche. J'avais lu un livre sur les grands hommes de l'histoire dans le monde, qui sont des millionnaires, des multimillionnaires, des milliardaires. Et la grande majorité de ces gens-là se suicident. On n'est pas au courant de ça, hein? Mais dans le livre, c'est ce que le gars faisait sortir de ses biographies. La plupart de ces gens-là se suicident à la fin de leur vie. Parce qu'ils s'aperçoivent qu'avec tout ce qu'ils ont, ils ne trouvent pas le bonheur. Ils pensent que ça ne vaut plus la peine de vivre. Prions ensemble. Notre Père du ciel, la nouvelle vie que tu as donnée à Matthieu et à toutes les autres qui étaient avec lui, c'est une nouvelle vie qui amène le bonheur, le vrai bonheur. Seigneur, on est bien conscient que des fois on se lamente. C'est parce qu'on ne comprend pas. C'est parce qu'on n'a pas toute la connaissance qu'on devrait avoir. C'est parce qu'on se laisse diriger par la chair au lieu de se laisser diriger par l'esprit. On te demande, Seigneur, que tu nous fasses toujours réaliser plus. Que la vie que tu nous as offerte, c'est une nouvelle vie, une vie de paix et de joie. On te remercie, Seigneur Dieu, que ta compassion t'a poussé à prendre sur toi nos mauvaises vies, nos malheurs, nos tristesses, nos maladies, nos infirmités, nos péchés. Tu as souffert pour tout cela. On n'est pas capable de saisir à quel point tu as dû souffrir. On te remercie de l'avoir fait. On le croit, Seigneur. Et on aimerait, encore une fois ce matin, te dire que tu as le privilège, tu as le droit, tu as la permission de prendre nos vies cette semaine pour aller montrer ta compassion à quelqu'un d'autre. Fais qu'on puisse leur montrer que tu aimes les pécheurs perdus que nous sommes, que tu as pardonné à des pécheurs que nous sommes, que malgré tout ce que nous avons fait, tout ce que nous faisons, que tu nous aimes encore à cause de Jésus. Nous sommes des exemples de compassion, pas parce qu'on fait des bonnes choses, mais c'est à cause que nous sommes des gens pardonnés, malgré que nous ne méritons rien. Conduis-nous, Seigneur, et que par ton esprit, on fasse toutes choses pour ta gloire. Et c'est au nom de Jésus qu'on te prie. Amen. Alors, prends un moment pour chanter, s'il vous plaît bien.